Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de La Cellule. Aujourd'hui, comme vous le savez, c'est le cinquième jeudi du mois et donc c'est le petit podcast bonus avec aujourd'hui un thème racoleur, l'influence du jeu vidéo nuit-il au jeu de rôle. C'est un thème qui nous est venu avec nuit-elle, Tom. Nuit-elle. L'influence du jeu vidéo nuit-elle au jeu de rôle. Excuse-moi, j'ai toujours du mal avec les thèmes. J'ai du mal à les présenter avant. Donc c'est un sujet qui nous est venu avec Tom parce que on a vu des critiques vis-à-vis de Sens qui disaient que l'influence du jeu vidéo avait nuit à Sens. Donc on avait envie de le traiter en bonus. Et puis avec nous, on a la chance de recevoir Mathieu Gaborit. Mathieu, ça va? Oui, très bien. Bonjour à tous. Toi, t'es vraiment bien placé pour pouvoir parler de ce thème parce que tu travailles dans le milieu du jeu vidéo et dans le milieu du jeu de rôle. Tu as beaucoup travaillé, tu y travailles encore un petit peu. Un petit peu, oui, avec les chroniques des Féales qui sortent bientôt. Au niveau du jeu vidéo, tu peux rappeler un petit peu ton actualité du moment? Alors, en jeu vidéo, là j'ai fini de bosser sur deux RPG, un d'horreur et un de fantasy. Ouais. Et là, je suis sur un livre interactif. Ouais. Qui doit sortir sous forme d'application en fait sur iPad, iPhone, qui s'inspire de livre dont on doit être le héros et qui doit sortir bientôt et qui veut vraiment parler d'une écriture différente. On parlait ensemble tout à l'heure d'écriture quantique. Ouais. Mais l'idée c'est ça, c'est-à-dire de pouvoir circuler dans le récit, découvrir des impasses, se faire plaisir en circulant. Ça c'est marrant, c'est-à-dire que tu veux pas forcément que le lecteur aille jusqu'au bout de quelque chose. Parfois il dit tiens, je peux pas aller au-delà de cet endroit-là. En fait, c'est plus pour. Je sais pas ce que t'appelles une impasse. En fait, l'idée c'est qu'à des moments tu puisses arriver à la fin de l'histoire sans vivre. La dernière fin. Voilà. D'accord. C'est qu'il y a des ramifications qui font que tu peux aller les lire, mais revenir et puis en découvrir une autre fin. Ce sont des choix matures. D'accord. Qui te font découvrir différentes histoires, différentes façons de la conduire. Ok. Ça me fait penser à Heavy Rain, ton truc. Flavie est avec tout nous. À fait. Coucou. Vous reconnaissez sa voix. Et Thomas est avec nous également. Ce petit podcast bonus. Bonjour. On revient des fêtes de fin d'année, alors on n'en peut juste plus de la gueule. Moi, je suis complètement malade. On a tous bien bouffé. Donc voilà. Alors l'influence du jeu vidéo nuit-elle au jeu de rôle? Alors j'avais envie de commencer par le point de vue économique, mais Thomas, en préparation du podcast, tu me disais que c'était peut-être pas le meilleur moyen d'aborder la question. Bah c'est surtout que moi je veux bien parler de point de vue économique, mais n'étant ni dans l'univers, on va dire, de vente de jeux vidéo ou de jeux de rôle, savoir s'il y a un impact entre les deux, ça va être difficile à aborder. Alors, non, j'interviens sur une chose. Éventuellement, c'est de pouvoir dire que si on compare l'économie des deux. De toute façon, on le sait, c'est un lieu commun. Ça n'a strictement aucun rapport. C'est-à-dire que un jeu vidéo, ne serait-ce qu'un jeu vidéo fort simple, un RPG, prenons un RPG standard avec un budget d'1,5 million, ouais. Quand on parle du jeu de rôle, on est très très très loin de ces budgets-là. Donc, ne serait-ce que d'un point de vue créatif en amont, on peut pas établir de rapport, quoi. Enfin, le rapport, c'est de 1 à 100, c'est de 1 à 1000. Moi, si tu veux, je pensais à ça parce que. Moi, personnellement, mon expérience de rôliste, c'est que j'ai commencé à m'intéresser aux histoires de fantasy, d'aventure, d'imaginaire, en m'identifiant des personnages de jeux vidéo. Mes premières expériences de jeux de rôle, c'est du jeu de rôle de vidéo, enfin du jeu de rôle vidéo, je sais plus comment on dit, les fameux RPG. Et que après, ça m'a donné envie d'acheter du jeu de rôle et de me dire, tiens, mais je vais le faire moi-même. Donc, du point de vue de l'économie, j'entendais par là, est-ce que finalement, le fait que les gens jouent de plus en plus aux jeux vidéo, ça va pas amener des gens à jouer de plus en plus aux jeux de société et éventuellement de plus en plus les gens à jouer aux jeux de rôle? C'est-à-dire que les retombées positives du jeu vidéo en termes économiques vont finalement à terme être positives pour le jeu de rôle. Flavie. Moi, de mon expérience, moi j'étais une fan de tous les RPG. À chaque fois, il y avait le truc racoleur à la publicité, venez vivre l'histoire. Donc moi, j'aimais bien ça, mais j'étais toujours hyper frustrée parce que je trouvais pas qu'on vivait vraiment l'histoire. Dans le jeu vidéo. Dans le jeu vidéo, ouais. Dans le jeu vidéo, je suis désolée. Enfin, moi, j'avais pas l'impression d'être clate, quoi. C'était chouette de voir ses aventures et tout, mais. Ouais. Mais par contre, c'était une affiche de Pokémon. Je m'en souviens encore. Marqué « Venez vivre le jeu de rôle Pokémon ». Et en fait, du coup, je me suis dit « Ah, le jeu de rôle, c'est pas un jeu vidéo, en fait ». Et puis ensuite, je vous ai rencontré et du coup, je me suis dit « Je testerais bien le jeu de rôle pour vivre vraiment l'aventure, en fait ». D'accord. Et là, pour le coup, je me suis vraiment plus identifiée. C'est le jeu de rôle qui... Ouais, ça, ça a pas de rapport, quoi. Toi, tu disais en préparation du podcast, Mathieu, que... Tu voulais intervenir, Thomas, pardon, excuse-moi, non, je t'ai excusé ta parole. Tu disais en préparation du podcast que pour toi, c'était clair que l'influence du jeu vidéo, enfin, que le jeu vidéo nuisait au jeu de rôle, je sais. Oui, vraiment. C'est-à-dire que... À quel niveau ? À tous les niveaux. C'est-à-dire à la fois d'un point de vue créatif... Quand tu es intégré à une structure de développement d'un jeu, et à la fois, j'allais dire sur moi, ce qui m'obsède, si tu veux, c'est la passivité dans le jeu vidéo. C'est-à-dire que moi, je trouve que on revient à cette obsession de muscler l'imaginaire, mais quand tu es face à un jeu vidéo, pour moi, cette musculature, elle est très très lointaine, voire atrophiée, voire parfois limite. Enfin, le jeu vidéo t'empêche précisément d'être créatif. Donc moi, je serais excessivement méfiant sur le jeu vidéo tel qu'il existe aujourd'hui. Parce que je crois que le jeu vidéo est encore à ses balbutiements. Et c'est David Calvo qui le dit très bien, notamment à travers un concept qu'il appelle l'hypernature. L'écriture même du jeu vidéo est encore un avorton. Enfin, ouais. Elle est naissante. On est encore à l'état de technique. On est encore dans la pratique. Comment on va améliorer la beauté du jeu? Comment on va réfléchir? Enfin, si là on commence, je trouve, à rentrer dans comment on va réfléchir à une bonne narration, etc. Thomas, tu voulais intervenir? Alors oui, sur le fait qu'il y a effectivement une grande différence entre le jeu de rôle et le jeu vidéo, je pense que surtout sur l'intention créatrice en fait, de l'auteur. Dans le jeu vidéo, moi je rapprocherais ça plus à un film, c'est-à-dire qu'on t'oblige un point de vue, dire à découvrir des lieux que tu ne peux pas tout exploiter, dire que par des formes de couloirs, dire on ne peut pas créer tout ce qu'un joueur de jeu vidéo pourrait vraiment explorer, ouais. Alors que le jeu de rôle a cette possibilité d'une exploration totale. Puisque le moteur de création, c'est l'imagination. Donc c'est vrai que c'est deux médias quand même assez différents. Maintenant, l'avantage entre le jeu vidéo et le jeu de rôle, c'est que le jeu de rôle oblige à avoir d'avoir un nombre de joueurs quand même assez important, alors que le jeu vidéo, on peut jouer tout seul et quand même vivre une aventure. Mais ça reste deux médias différents qui s'influencent l'un l'autre. Là-dessus, mais qu'on ne peut pas vraiment... Là-dessus, sur le nombre de joueurs, attention, hein, je trouve qu'il y a de plus en plus de jeux vidéo qui se jouent à beaucoup de joueurs. Certes, ils ne sont pas dans la même pièce, ce n'est pas la même chose, mais ils sont quand même tous ensemble à faire une même partie. Ils peuvent maintenant communiquer via casque, avec IRC. Totalement d'accord, mais ce que je veux dire, dans le jeu vidéo, tu peux jouer tout seul. Un jeu de rôle où on joue tout seul, pour l'instant, je n'en ai pas encore vu. Voilà. Bah si, il y a Sweet Agatha. Sweet Agatha, effectivement, c'est une expérience. Permet de jouer tout seul. Mais est-ce que c'est un jeu de rôle? On s'est posé la question lors du podcast One Shot. On vous invite à aller le regarder. L'écouter, pardon. Flavie, tu voulais intervenir? C'était sur l'intention créatrice. En fait, je me rappelle ce dont tu avais parlé la dernière fois, Mathieu. Tu avais dit qu'en fait, quand il y avait une création de jeu vidéo, de l'histoire, vous étiez plusieurs, qu'il y avait un cahier des charges un peu à respecter et qu'il fallait se mettre un peu dedans. Et en fait, je trouve que dans le jeu vidéo, il y a quand même, je parle des jeux vidéo classiques à grand tirage, genre Anima. Les jeux de rôle. Il y a un peu pour les jeux de rôle à grand tirage entre guillemets, ce truc-là qui commence à arriver, où va y avoir plusieurs auteurs qui vont se mettre brainstorming quoi. Un brainstorming et en fait, on va être loin d'une intention créatrice de départ. Donc, oui, alors là, il y a deux choses très différentes. C'est-à-dire que dans le jeu de rôle, l'équipe de développement, elle échappe à des impératifs, clairement, elle échappe à des impératifs économiques. C'est-à-dire que tu n'es pas motivé par un éditeur, par un budget tel que tu ne peux pas te permettre de te vautrer. Donc, dans le jeu de rôle aujourd'hui, et c'est un état assez, on fait preuve de réalisme là. Aujourd'hui, le jeu de rôle tel qu'il existe, à un niveau même professionnel, tu vois, moi, en travaillant avec Sans Détour, je vois un peu la manière dont fonctionne aujourd'hui le jeu de rôle. Quand tu crées un jeu de rôle, tu as toute liberté pour le faire. Ce n'est absolument pas le cas dans le jeu vidéo. C'est-à-dire que le jeu vidéo a des contraintes techniques, et c'est ce qu'on disait, c'est-à-dire que ça aussi, c'est ce qui rend intéressant le jeu vidéo d'un point de vue créatif. Pour autant, si tu veux, au moment où tu fais un brainstorm, ce n'est pas du tout le même dans le jeu de rôle que dans le jeu vidéo. Ça n'a strictement aucun rapport. C'est plutôt rassurant. Je ne sais pas si c'est rassurant, c'est différent. C'est-à-dire que dans le jeu vidéo, tu es quand même limité par ces fameuses contraintes techniques qui font que... Mais on parle vraiment de développement et de créativité. Oui, parce que si tu veux, c'est toujours pareil, c'est que le vrai fond du débat, encore une fois, c'est cette fameuse passivité qui est de dire à quel moment tu es créateur, quoi. Ouais. À quel moment tu peux estimer que quand tu joues aux jeux vidéo, tu développes ton imaginaire. C'est ce que. C'est mais ce que moi, je crois quand même qu'il y a. Là, je te suis pas vraiment. Je pense qu'il y a quand même un moment donné quand tu décides d'aller à droite ou d'aller à gauche, quand tu joues Clad dans FF7, t'es quand même créatif quelque part, tu te dis tiens, est-ce que je vais aller voir ce personnage-là ou ce personnage-là, et tu te poses des questions sur l'affection que tu portes, qu'éventuellement Clad pourrait porter sur Aerys ou Tifa, etc. Il y a quand même des choix dans les RPG qui sont intéressants et qui favorisent ton imaginaire. Moi, je me souviens très bien que quand je jouais à Mario, j'imaginais à chaque fois que je gagnais un niveau le méchant dans son château en opposition qui se disait merde, il est arrivé jusque là, fais chier. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, mais t'es quand même hyper passif. Parce que t'es passif, surtout dans un Mario, mais quoi. Mais malgré tout, il y a quand même au moment où tu fais des choix. On peut pas dire que le jeu vidéo est un média passif. Il y a quand même une interactivité avec une interface, même si elle est limitée, Mathieu. C'est sûr que ça ne développe peut-être pas autant. C'est-à-dire, mais c'est un bon début en fait, je trouve. Je trouve que c'est moi, une bonne marche. Honnêtement, je suis pas du tout d'accord avec ça. C'est-à-dire que. Mais c'est vrai que c'est un sujet éminemment sensible. Il faut être très honnête parce qu'on a pratiqué le jeu vidéo. Et surtout, moi, je viens notamment du MMORPG que j'ai beaucoup pratiqué. Et je trouve que précisément, c'est la première fois où j'ai eu la sensation d'avoir perdu mon temps a posteriori. Quand j'ai découvert le temps que j'avais consacré à ces jeux-là. Ouais. Précisément, je pense que ce sont des instants chronophages, terriblement addictifs et terriblement destructeurs du point de vue de la personnalité, du point de vue de la chair, du point de vue de l'imagination. L'hypnose, moi je pense. Oui, ça se rapproche un peu de l'hypnose. Mais attends. Ouais, là-dessus, vraiment, moi j'ai un copain, un très très bon copain, qui me dit, écoute, moi j'ai pas le temps de me consacrer à l'imaginaire autant que vous, les auteurs, là. J'ai pas le temps, comme vous, d'être créatif. Et le jeu vidéo me permet quand même de satisfaire mon besoin de voyager, d'imaginaire, etc. Mais c'est un faux problème, je pense, parce que lui, il dit qu'il a pas le temps. Au final, il est capable de jouer à 5 jeux vidéo en même temps pendant toute une soirée. Donc au final, il ferait bien d'aller voir des potes. Non, c'est pas qu'il a pas le temps, c'est qu'il estime qu'il a pas cette fibre-là. C'est-à-dire que c'est pas... Ça, c'est tout à fait compréhensible. Voilà, il a pas cette fibre de s'imaginer des histoires tout seul, si j'ose dire. Et donc, il a envie qu'on les lui raconte. Mais précisément, à quel moment on est juge de tout ça ? C'est-à-dire que est-ce que c'est un impératif de vie de dire on a besoin de ce muscle imaginaire ? Moi, j'estime que oui, mais d'autres on en a peut-être pas envie. Hein. Enfin, oui, mais si tu veux, le danger, après, c'est comme tu dis, c'est l'hypnose. C'est-à-dire, c'est le moment où ça devient un divertissement de masse, au même titre qu'un Julie Lescaut, si tu veux. Et pour moi, quand tu regardes Julie Lescaut, c'est qu'effectivement, tu as abdiqué d'accord à un certain niveau. Mais là, c'est... Moi, je me suis déjà retrouvé à regarder Julie Lescaut, je ne pense pas avoir abdiqué. Non, mais bon, c'est parce que... Non, tu ne vas pas tu dire que t'étais super créatif à ce moment-là. Non, mais ce que tu vois, je pense que... J'avais envie de barres chocolatées, de changer de lessive, et que le nouveau slip à la mode avait l'air pas mal. Non, mais voilà, c'est-à-dire que précisément, ce que je veux pas, c'est qu'on verse dans le jugement. On va pas commencer à juger ceux qui regardent Julie Lescaut. Moi, il m'est arrivé d'échouer sur les experts, une fois, et j'en suis sorti complètement décérébré, mais ça m'a fait du bien, parce qu'il y a des moments où tout le monde a besoin de purger sa tête, d'une manière ou d'une autre. Tu vois, il y en a, c'est le sport. Le podcast-là n'est pas fait pour juger. Non, mais précisément. Parce que voilà, on ne juge pas, c'est vrai qu'on va émettre des hypothèses, peut-être qu'ils vont être un peu tranchées, mais. Si, parce que le jugement, nous, on parle de nuisance. Donc, précisément, là, on va émettre un jugement, mais... Alors, l'influence du jeu vidéo nuit-elle au jeu de rôle ? Est-ce que finalement le fait que des gens jouent au jeu vidéo, ça les empêche d'aller vers le jeu de rôle, peut-être ? La question économique. Moi, je pense honnêtement que ça crée des réflexes, de mauvais réflexes, d'un point de vue créatif. Pour peu qu'on juge, voilà, c'est le mot. C'est-à-dire que d'un point de vue créatif. J'ai fait deux ans sur World of Warcraft. J'ai été chef de guilde. J'ai mené des raids avec 40 gugus sous TeamSpeak. Donc je sais de quoi je parle. Et précisément, je pense qu'il y a un moment où, de toute façon, les gens se foutent éperdument du contexte de jeu. C'est-à-dire que c'est du MIRC avec une interface graphique. Ouais. Et les gens sont contents de se retrouver ensemble et de discuter de tout et n'importe quoi. D'accord. Donc, je veux dire, un jeu comme World of Warcraft, pour moi, c'est une putain de drogue. Et c'est une putain de drogue super dangereuse dans la mesure où, précisément, on est sur un jeu orienté loot. Donc, c'est une espèce de course de vitesse au matos. Donc les gens, c'est faire des instants, ça devient quelque chose d'extrêmement ronronnant. Mmh. Où finalement, voilà, on va faire tomber une épée, machin, un truc. Et ça n'a strictement aucun intérêt, honnêtement. Tu vois? Donc moi, ce que du j'attends. Du point de vue créatif, on est voilà, d'accord. Alors, on est bien d'accord d'un on point de vue créatif. Après, que ce soit un divertissement, ça me pose aucun problème. Voilà, c'est ça. Cela étant, je pense qu'aujourd'hui, le jeu vidéo, tel qu'il, comme tu dis, s'articule dans ses balbutiements, demain va créer des choses qui vont nous permettre sans doute d'évoluer là-dessus. C'est-à-dire que moi, d'un jeu de rôle, j'attends beaucoup de choses que je connais bien maintenant, mais du jeu vidéo, j'attends d'autres choses, d'autres propositions d'imaginaire, et je pense qu'elles vont venir. Parce que tu vois, on prend un MMORPG, pour l'instant, moi, j'attends qu'on m'ancre, que j'ai une empreinte sur le monde, d'accord, ce qui n'existe pas. Moi, j'ai été un prêtre pendant 2 ans, le jour où j'ai déconnecté de World of Warcraft, il a totalement disparu, au même titre que des millions de joueurs aussi vont disparaître, mais il n'aura laissé aucune trace sur le monde. D'accord. Si ce n'est celle que j'ai laissée auprès des camarades de jeu, précisément. Moi, effectivement, moi qui ai joué à World of Warcraft pendant quelques mois, j'ai eu ce ressenti-là de voir, moi je me souviens toujours, si je prends l'exemple de WoW, c'était le coup d'Onyxia où la première fois que quelqu'un l'a tué, on retrouvait à la grande ville, il y avait la tête à l'entrée et on marquait le nom de la team qui avait tué. Puis au bout d'un moment, c'était toutes les 10 minutes, machin a tué Onyxia, il a la tête qui apparaît, machin a tué Onyxia. Et donc je fais bah, il est où l'intérêt dans le monde, je contrôle rien, donc bon, bah, je me déconnecte et j'arrête tout, quoi. Donc ça, c'est du point de vue créatif. On est du point de vue du joueur, là. C'est-à-dire que la personne qui joue au jeu vidéo et la personne qui joue au jeu de rôle, du point de vue créatif, la personne qui joue au jeu vidéo est moins créative que celle qui joue au jeu de rôle. Je vais me permettre un petit bémol. Flavie, ouais. C'est mon coup de gueule. C'est compliqué. Je parle des MJ hyper dirigistes. Où le MJ qui raconte son histoire, où t'as juste acheté les dés et le MJ raconte ce que tu fais. Ouais. Pour moi, ça se rapproche vraiment d'un jeu vidéo. Ben oui. Où, interactif. Où tu vas pas pouvoir créer, tu vas rien faire. Ça m'est arrivé de jouer avec ce genre de MJ, c'est pour ça. Ouais. Et je pense que, on a plus de création dans le jeu vidéo à condition que le MJ t'en laisse dans le jeu de rôle classique. Mmh. Et du coup, je pense qu'il faut aussi rappeler qu'il y a... Ça dépend aussi de la vision que tu as du jeu. Il y a une partie des joueurs qui attendent le moment où ils lancent le dé pour. Ou la seule partie création, en fait, ça va être le moment où tu vas avoir tes stats, quoi. Non, mais encore une fois, là, on est pile poil dans le sujet. C'est-à-dire que là, de ce point de vue-là, du point de vue du joueur et du point de vue de la créativité du joueur, Flavie, ce que tu dis va totalement dans le sens de Mathieu. C'est-à-dire que l'influence du jeu vidéo, ici, elle nuit grandement au jeu de rôle, du point de vue créatif. Parce que dans le cas que tu cites, Flavie, on a des joueurs qui, influencés par le jeu vidéo, n'interviennent qu'à des moments clés et d'interaction. Enfin, non, Thomas, qu'est-ce qu'il y a? C'était bête ce que je dis? Oui, je suis pas sûr que ce soit le jeu vidéo qui a créé ce genre de joueur. Voilà, mais en tout cas, si tu cherches à faire du jeu vidéo dans le jeu de rôle, ça va donner ce que Flavie vient de donner. Exactement, on est d'accord. Oui. Mais je suis d'accord avec toi que du point de vue des causes, on n'y est pas. Mais du point de vue de la créativité, tu vois, par exemple, Cédric. Exact. Tu as Cédric, raison de me reprendre, des fois, quand il est MJ, quand il est pas sûr de lui, il va s'inspirer des jeux de rôle qu'il a fait, et il va faire un truc hyper dirigiste où t'auras juste le droit de choisir droite, gauche, et de faire un ou deux bons mots, et basta, quoi. Ouais. Et c'est là, lui, clairement, c'est les moments où il s'inspire de Diablo, de tous les JRPG qu'il voilà, a fait et tout. Donc là, on y est. C'est-à-dire que le joueur, du point de vue créatif, si on se laisse influencer par le jeu vidéo, on lui ôte certains pouvoirs dans le jeu de rôle. Alors, Frédéric Synthèse, avec qui je parlais de ce podcast avant, donc hier, en l'occurrence, m'a dit la même chose que vous. C'est-à-dire, il m'a dit que dans le jeu vidéo, étant donné que les arcs de scénarios sont assez simples, c'est-à-dire chemin A, chemin B, ensuite quand t'as pris le B, t'as C ou D, etc. Ça donne en fait des chemins comme ça, qui sont très simplistes dans le jeu vidéo, et donc si on s'en inspire pour le jeu de rôle, on note une part de liberté au joueur, et donc une partie de sa créativité. Il y a un jeu de rôle qui s'inspire totalement de ça, qui s'appelle Parsely, actuellement. Parsely Game, où ça reprend ces trucs-là, où le MJ, ça va être l'ordinateur, et dont on parlait tout à l'heure. Oui. Alors moi, je pourrais dire que j'ai déjà fait des parties de jeux de rôle ou même entendu des MJ parler de leur partie de jeu de rôle à dire quand ils écrivent un scénario, il faut que je pense à tout ce que vont faire mes joueurs pour pouvoir prévoir leurs actions. Pour pouvoir prévoir mon scénario. Ça, c'est absurde, justement. Mais... Donc voilà, il n'y a pas besoin d'avoir... Je veux dire, on prend le cas de Parsely Game, c'était vraiment de faire un jeu de rôle autour du système donc des jeux vidéo qu'on appelait les parcellis. Ouais. C'est vraiment on retrouve bien et donc ça fonctionne. Ouais. Mais sans vraiment, moi je prends l'EMJ que je pense, là c'était très du ADD. Complexe. Il fait un scénario d'ADD, il écrit, il dit bon mes joueurs, je vais leur mettre telle situation, comment ils vont réagir, ils vont réagir à telle chose, ils vont réagir à telle chose, ils vont réagir à telle chose. Donc bah si je veux, si y en a un qui décide de partir de la ville parce qu'il veut pas faire le scénario, et bah je vais faire en sorte que les gardes le bloquent, ils lui disent bah voilà, tu vois pas, on prend ta copine, on la menace de la tuer pour que t'ailles faire le scénar quoi. Alors maintenant, moi ce qui est intéressant, c'est que là on se place du point de vue du joueur et de la créativité des joueurs. Or moi je pense que la réflexion de cette personne sur Forge Songe qui disait on voit bien dans le sens que le jeu vidéo nuit au jeu de rôle, c'était pas ça. C'était du point de vue du créateur et des auteurs. Est-ce que du point de vue des auteurs, c'est-à-dire que nous, notre génération, mais la tienne aussi Mathieu, qui a été grandement influencée par le jeu vidéo et qui du coup a retrouvé certains plaisirs dans le jeu vidéo, n'a pas importé certaines des attitudes que l'on trouvait, de game design qu'on trouvait dans le jeu vidéo et les a appliquées sur le jeu de rôle. Et est-ce que ça n'a pas nuit, le fait que certains auteurs s'inspirent du jeu vidéo pour créer des jeux, est-ce que ça n'a pas nuit au jeu de rôle? Alors ça, c'est une autre question, c'est-à-dire du point de vue des créateurs. Mathieu, qu'est-ce que tu en penses? Écoute, moi, honnêtement, il n'y a aucun jeu vidéo qui m'ait suffisamment marqué pour que je m'en inspire. Bah, t'es la génération quand même, avant nous. Ouais, je sais pas, mais tu vois, même la série des FF et tout ça, c'est pas quelque chose. S'il y a 2-3 jeux comme ça qui m'ont marqué, c'est Skies of Arcadia, il y a comme ça 2-3 titres où j'ai eu une vraie émotion, c'est-à-dire, tu vois, quelque chose de perceptible. Mais en dehors de ça, ça n'a jamais influencé mon travail. Moi, s'il y a eu un danger, c'est plus l'écriture. Il parle d'un danger. C'est plus l'écriture du jeu de rôle qui a pu nuire à l'écriture du roman. C'est encore un autre débat. Mais ça, c'est un vrai débat aussi. Parce que ça, c'est par contre, oui, c'est vrai. C'est le prochain podcast quand il reviendra. Mais le jeu vidéo, encore une fois, je trouve que ces choix là dont on parle, les A et B, etc., potentiellement en amont d'un point de vue strictement théorique, hors spécificité d'un MJ, on reste quand même sur quelque chose donc qui a été prévu, qui a été anticipé, qui a été pensé. Donc pour moi, voilà, il y a pas d'improvisation. Donc, exactement. Et pour moi, le jeu de rôle, c'est l'improvisation, c'est rien d'autre. Donc peu importe effectivement la manière dont un MJ réagit, ce qui m'importe, c'est la liberté, quoi. Cette notion de liberté dans le jeu vidéo est totalement inexistante. Allez, tu vas me dire, ah oui, mais à ce moment-là, quand dans Doom, quand les monstres surgissent, effectivement, je peux aller à gauche ou à droite, je peux tirer avec ce lance-roquette ou ce tirer avec ce machin. Oui, mais pour moi, tout ça est totalement factice et n'a strictement aucun intérêt sur le papier. Là, pour moi, on est dans le divertissement pur, on est dans une émotion brute et encore, j'utilise le mot émotion avec beaucoup de, beaucoup de guillemets. Parce que, si tu veux, si j'avais à choisir, demain, moi, je réponds assez facilement à cette question. C'est-à-dire, si j'avais à choisir pour mes enfants, mes garçons qui vont être bientôt en âge de jouer aux jeux de rôle ou de jouer aux jeux vidéo, je vais tout faire pour qu'ils jouent aux jeux de rôle plutôt qu'aux jeux vidéo. Parce que le jeu vidéo, je le vois, c'est un temps d'écran. C'est quelque chose dont on parle beaucoup en tant que parent. C'est ce fameux temps d'écran entre le... Ouais. Tu vois, maintenant, il y a une multiplicité des supports, les smartphones, les télés... La console, etc. Donc ce temps d'écran, ce temps où le cerveau est monopolisé, je pense que plus tu le réduis, plus tu fais des garçons ou des filles qui ont leur liberté, soumises à cette oppression de l'image. Elle est terrible aujourd'hui. Ouais. Enfin, je veux dire, moi j'ai vu mon fils de 2 ans et demi sur un magazine essayer de cliquer sur les icônes d'une pub sur iPad. Tu vois, il se dit mais pourquoi il n'y a pas d'interactivité, tu vois. Donc je sens bien déjà que l'air du papier est en train de s'étioler ou en train de crever sous nos yeux. Enfin, moi je suis assez vigilant là-dessus et je suis pas en plus un vieux con, tu vois, qui s'agrippe comme ça à l'objet livre. Précisément, je travaille sur un livre numérique en ce moment. Ouais. Et c'est le débat. En ce moment, tous les éditeurs s'affolent sur le livre numérique, etc. Non, mais c'est vrai, c'est la révolution, là. Hein. Les mecs sont affolés. Sur Internet, à la maison, j'ai beaucoup de livres, ça fait partie de ma vie. Je sais que mes enfants, peut-être, n'en auront pas, tu vois, l'utilisation. Je m'éloigne un peu du débat, on est sur ce temps d'écran, on est sur cette interactivité. Prétendue interactivité dans le jeu vidéo, des interactions avec des personnes plutôt qu'avec des écrans. Alors, et tu vois, c'est encore une autre chose, parce que si on va dans le fond sur le jeu vidéo, il y a pas mal de jeux aujourd'hui expérimentaux qui flirtent avec la poésie, qui restent pour moi une des valeurs sûres, tu vois, de l'immersion, etc. Mais ça, des titres poétiques, tu en vois là, le dernier dont on parlait tout à l'heure, From Dust. Pour moi, il y a une vraie poésie là-dedans. C'est quelque chose déjà de différent. Où quand tu te mets devant ton écran, tu as l'impression d'expérimenter quelque chose qui touche un peu à l'âme, qui a une grâce, quoi. Ouais. Et c'est pas du tout l'impression que j'ai si je vais jouer à GT Rally ou à autre, tu vois. Mais encore une fois, sans jugement, parce que j'ai pu, il y a des jeux comme ça, tu vois, comme Battlefield 142, j'ai joué avec des potes et on pourrait encore y rejouer si on pouvait. C'est des jeux extraordinaires. J'ai des instants de jeu extraordinaires. C'est vraiment très, très, très intéressant. Le temps d'écran, là, c'est complètement, je pense, à côté de la question que je posais tout de suite. C'est-à-dire par rapport à la créativité. Est-ce que tu sens qu'il y a eu de l'influence du jeu vidéo sur ta créativité en tant que rôliste? Non. Tu vois, voilà, ok. Voilà. Voilà, je vais te répondre simplement, c'est non. Mais je vois bien, on reparlera du temps d'écran peut-être tout à l'heure. Thomas. Alors, pour revenir sur ce côté, justement, les créateurs qui ont été influencés par le jeu vidéo, moi, je prends les exemples que j'ai vécu en tant que MJ, en tant que créateur et ressenti en tant que joueur, parce que mon MJ me l'a fait. Souvent, quand tu joues, par exemple, un FF, ouais. Quand tu vas avoir deux gros PNJ qui vont avoir une forte discussion avec une grosse musique, toi, en tant que joueur, tu as une émotion qui est tellement forte, tu te dis, c'est génial, ouais. Faut que je fasse vivre ça en jeu de rôle. Ouais. Et on se retrouve à avoir un MJ, donc même moi qui l'ai fait, je vais vous mettre deux gros PNJ qui sont balèzes, faire un monologue, et là on se retrouve avec un MJ qui fait son monologue tout seul, et avec des joueurs en face qui regardent, et qui pas. Se font chier, et ça ne marche pas. Ça marche pas. Voilà. Ça donc j'ai ressenti, moi aussi bien en tant que MJ, et en tant que joueur. Et à chaque fois, ça n'a jamais marché. Récemment, on a fait du playtest de Sens Néant, où, justement, moi j'avais préparé des décors, qui certes, l'écriture était pas médiocre, c'était même pas mal écrit, je m'étais bien fait chier, j'avais fait une espèce de poésie et tout ça, mais, je l'aurais apprise par cœur et je vous l'aurais récité les yeux dans les yeux avec de l'interactivité, ça aurait fonctionné, mais comme elle était lue, ça a pas marché, voilà. Vous vous êtes fait chier. Maintenant, là, donc, c'est intéressant, voilà. Ça. Hein. Quand tu as écrit cette description pour pouvoir la jouer, est-ce que j'ai pensé au jeu vidéo? La démo. La fameuse démo, c'est-à-dire que tu arrives dans un lieu et là tu as une petite démo d'introduction qui te présente le lieu. Mais bien sûr, ça m'a trotté dans la tête quand j'ai écrit ces textes. Démo, ça c'est vraiment, c'est le problème. Moi, par exemple, quand j'ai commencé à devenir MJ, j'avais toujours un petit moment démo, quoi. Un moment, on va voir les mecs hyper charismatiques qui discutent et tout, et au final, c'est à éviter, quoi. Voilà. Donc là, on voit vraiment. Du point de vue du créateur et du MJ, on voit bien que là, dans la démo, il y a dans la démo du jeu vidéo, c'est-à-dire le moment de présentation où on joue pas, mais où le MJ nous raconte un truc. Et ben, en jeu de rôle, transposer la démo du jeu vidéo au jeu de rôle, eh bien, ça ne marche pas. Mais aussi parce que c'est pas les mêmes personnes quand t'es dans le jeu vidéo. En fait, la démo, elle a tout son sens parce que c'est là que tu vas voir le personnage que tu incarnes prendre du charisme. Ouais, ou parce non, que ou du juste coup, un tu décor. Le vois pas. Voilà, mais quand t'es. Juste un décor, ouais. Parfois. Mais quand t'es dans le jeu de rôle, en fait, tu t'en fous des autres persos qui ont le charisme. C'est toi qui joues, c'est ton perso qui doit avoir du charisme. Et c'est ce que disait Thomas tout à l'heure, quand il disait que finalement, c'était le jeu vidéo, était en train de s'inspirer du cinéma quand il faisait ses démos. D'ailleurs, moi, je me souviens que les premières démos, il y a des joueurs qui l'ont mal vécu. Des joueurs de jeux vidéo qui disaient, mais c'est nul une démo, c'est un moment pendant lequel je joue pas. Marcus, par exemple, sur No Life, qui se plaint systématiquement des Quick Time Event, en disant, mais c'est nul, c'est une démo et j'appuie juste à un moment donné pour qu'il se passe un truc. Je m'en fous, je veux jouer, je veux du jeu. Voilà, tu regardes maintenant, par exemple, pour le jeu vidéo, le nombre de fois que je gueule devant un jeu vidéo parce que je me dis, tiens, j'ai testé ce nouveau jeu, je le mets, et pendant un quart d'heure, je me tape de la cinématique, et je dis, non, mais je veux jouer, moi, je veux jouer. Et donc, à la fin, t'éteins ta console en disant, bon, bah, c'est nul. Donc là, voilà, là, c'est un exemple où le jeu vidéo, encore, nuit même du point de vue de la création. Maintenant, du point de vue de la créativité, est-ce qu'il n'y a pas des moments... Je dirais pas nuire, c'est le terme simplement, c'est que la personne qui va créer, qui va s'inspirer du jeu vidéo, en fait, là, a un outil qui fait, d'un point de vue émotion, est génial, mais parce que tu es un spectateur. Et que dans un jeu de rôle, logiquement, tes joueurs ne sont pas spectateurs. Voilà, c'est ça. Ils sont acteurs, donc c'est vrai que si tu fais une scène comme ça devant tes joueurs, tes joueurs, à un moment, ils vont dire, bah, excuse-moi, bonhomme, mais c'est bien que tu joues tout seul, mais si tu veux pas nous, on rentre, quoi. Mais c'est ça qui est assez intéressant, c'est que le jeu vidéo peut s'inspirer du cinéma, ça a l'air de fonctionner quand il le fait. Heavy Rain a très bien marché. Ouais, enfin, j'ai bien aimé, mais il y a plein de gens qui ont détesté ce jeu, hein, mon frère jumeau en fait partie. Hein. Mais en tout cas, c'est une possibilité pour eux, alors que pour le jeu de rôle, c'est exclu. Tu vois ce que je veux dire? Et même le jeu vidéo, c'est exclu. C'est comme si le jeu de rôle, c'était un truc, mais bon, ça, on en parlera, c'est peut-être un petit peu hors sujet, mais c'est comme si le jeu de rôle, c'était un truc qui était vraiment à part. Quand Olivier Cayrat dit les forges de la fiction, c'est vraiment un endroit où on crée de la fiction à l'état pur, où tout le monde joue, tu vois ce que je veux dire? On peut s'inspirer de rien, quoi, que du jeu de rôle. Mathieu, t'avais l'air de tiquer. Je comprends pas très bien, là, ce que tu as dit sur la force. Qu'on a du mal à s'inspirer d'un autre média pour le jeu de rôle, en fait. Mais je suis pas du tout d'accord avec d'accord, toi. D'accord, ok, dans la mesure où, non, mais ce que je veux dire, c'est que, précisément, quand vous faites un jeu de rôle, quand tu crées un jeu de rôle, tu t'inspires de tout. Ah oui, au contraire de tout. Ouais. Bah, bien sûr. Mais je veux dire, le cinéma, le jeu vidéo, tout ce qui a trait à l'imaginaire, et même le reste. En fait. C'est l'art total à la Wagner. Là, du point de vue des techniques créatives. À compter du moment où tu es créatif, tu te nourris. T'es bien d'accord quand même. Oui, non mais d'accord, mais si tu veux, c'est au niveau des techniques. C'est oui, au niveau des couleurs, oui, au niveau des sensations, oui, au niveau des personnages, oui, au niveau de la fiction en général. Tu t'inspires de toutes les fictions pour créer une nouvelle fiction, ça c'est bien sûr. Mais au niveau des techniques, c'est-à-dire que tu vas dire à ton maître de jeu comment jouer à ton jeu, le moment où tu vas dire comment est-ce que tu joues à mon jeu, c'est-à-dire quel genre de technique tu vas favoriser. Est-ce que tu vas lire mes textes d'ambiance? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ben là, tu peux t'inspirer d'aucun autre média. Tu vois, c'est là que le jeu de rôle, quelque part, il a ses propres codes. Enfin, oui et non, parce que enfin, encore une fois, moi je trouve que c'est, enfin, ouais, c'est un grand melting pot, c'est-à-dire que les setups, Mathieu, même dans le cinéma, ou même dans le jeu vidéo, je trouve qu'il y a des façons intelligentes, il y a des manières de placer une caméra, ou il y a des manières de présenter un personnage. Oui. Je trouve que ça peut t'inspirer dans un jeu de rôle pour introduire un personnage. D'accord. Enfin, il y a des choses très très intelligentes. Tu vois, hier, je voyais Robot, par les mecs qui ont fait L'Âge de Glace. Je suis très très fan de la manière dont ils écrivent leur dessin animé. Donc et le film d'animation. Film d'animation. Et je trouve ça même même Robot hier m'a donné des indices sur la manière dont je pouvais raconter là une scène dans un nouveau roman ou même dans un jeu de rôle. Enfin, encore, tu vois, c'était super intéressant, moi, au Chimériade, d'avoir testé les scénarios d'introduction pour Chronique des Féales. De voir comment fonctionne à une table de gens qui n'ont pas joué un jeu de rôle, un scénario d'initiation. Et c'est quelque chose que j'ai voulu beaucoup travailler en amont avec l'équipe. C'est-à-dire que tu vois tout de suite qu'un scénario d'initiation, jeu de rôle, c'est une convention, c'est du bruit, des gens qui ne connaissent pas, c'est un temps limité, c'est un chaos autour de toi. Mmh. Enfin, il y a plein de facteurs à prendre en compte pour dire comment je fais pour créer tout d'un coup l'immersion qui dit, les gars, vous êtes autour de cette table, je vais vous parler de cet univers, je veux que vous y jouiez, et ça va jouer dans les 10 premières minutes. Et c'est super important. Et le scénario tel qu'il est, c'est un d'initiation là qui va être joué notamment sur un certain nombre de conventions, je le trouve vraiment intelligent parce qu'il a été pensé pour ça. Il a été pensé même de manière à prendre en compte cette réalité-là d'une convention pour mieux t'immerger dans le récit. Et je trouve que ça, c'est des choses dont il faut s'imprégner pour mieux créer dans le jeu de rôle. Donc, au niveau des techniques créatives et tout ça, ouais, tu trouves quand même que voilà, il n'y a pas de nuisance, au contraire. Non, il n'y a pas de nuisance parce que précisément quand tu travailles, par exemple, on peut s'inspirer du jeu vidéo pour créer des techniques. Le travail est exactement le même. Quand, pour la première fois, un mec dit « Je veux faire un jeu vidéo, j'ai le fric, je réunis une équipe, je réunis des scénaristes, on y va. » Là, les premières notes qui sont mises sur le papier, pour tout le monde, c'est la même chose que ce soit un jeu de rôle, même un roman ou même un jeu vidéo, c'est-à-dire que ça part d'une intention, on parlait d'intention tout à l'heure, le mot est très important, c'est quoi l'intention? Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais raconter? Pourquoi je vais le raconter? Tu vois, ça c'est essentiel. Et c'est la même chose, c'est complètement transversal à l'ensemble des médias dont on parle. Oui, mais l'ensemble des médias tout court. En fait, mais bien sûr. À vrai dire. Mais bien sûr, je veux dire, demain un artiste, un spectateur. Ça, tu peux te poser cette question dans tous les cas. Tout à fait. Thomas, tu voulais intervenir. Moi, je veux juste revenir là-dessus, c'est que justement dans le jeu de rôle, le spectateur n'existe pas. Donc tu vois, l'intention, même si tu veux faire ressentir la même émotion, par exemple, tu vas créer un jeu de rôle, un jeu vidéo ou un film, tu vas avoir la même méthode pour dire, ben voilà, mon but c'est de leur créer telle émotion. Donc tu vois, ton but au départ est le même, mais la façon de le faire est différente. C'est-à-dire que dans un jeu vidéo, par exemple, l'intention, si je veux faire de la peur, moi je peux prendre de l'exemple, par exemple, dans Doom, où je suis dans une pièce noire, j'entends des bruits, et puis d'un coup, il y a un monstre qui me tombe sur la gueule. En jeu de rôle, c'est pas forcément aussi efficace. Non, mais tu vois, on retrouve là, par contre... Ça dépend, tu peux mettre le MJ dans le noir, et puis... On trouve quand même une influence là, c'est-à-dire que par exemple, si je te mets la musique de Doom pour jouer à un jeu de rôle, direct tu vas être dans l'ambiance. Là, il y a une influence intéressante du jeu vidéo sur le jeu de rôle, c'est que le jeu vidéo produit du son pour des ambiances qui tournent en boucle tant que le personnage y est. L'ambiance est là et la musique est là, et donc on peut réutiliser ces musiques pour le jeu vidéo. Le jeu de rôle, pardon. Donc nous, on est très friands de ça. On prend des musiques de jeux vidéo, on les implique, on les importe dans le jeu de rôle et ça fonctionne très bien. Mais ça, c'est valable pour le cinéma aussi. Je trouve que le média jeu vidéo, c'est un média qui se rapproche beaucoup du cinéma. Parce que je retrouve que l'intention du créateur est quasiment la même. Vis-à-vis des musiques, Mathieu, l'intérêt du jeu vidéo, c'est que tant que t'es dans un lieu, la musique doit tourner en boucle. Donc l'ambiance reste la même. Alors qu'au cinéma, les musiques évoluent en fonction de l'action à l'écran. Oui, mais pour moi, tu convoques la même chose, c'est-à-dire un souvenir. Ça, je suis entièrement d'accord. Un souvenir qui imprégnait ton joueur, lecteur, spectateur. Elles sont plus utiles, elles sont plus pratiques, en fait, les musiques de jeux vidéo. Parce que tu prends, t'as une ambiance, tu prends la musique, t'as un track pour la musique, tac, t'as une piste, une musique. Alors que dans les musiques de films, souvent, elles évoluent, elles varient, elles évoluent. Tu vois ce que je veux dire? Donc, du coup, en jeu de rôle, si tu les mets, tu vas te retrouver avec des pics d'angoisse en plein milieu d'une musique toute calme. Parce que à ce moment-là, dans le film. Oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire. C'est un côté pratique, quoi. Parce que, tu vois, pour revenir à ce qu'on disait, je lisais un truc très simple de Stéphane Marsan dans le dernier JDR Mag. Il disait, il le disait très bien, je trouve, de manière très limpide, le jeu de rôle, c'est dire que tu peux raconter toutes les histoires, alors que le roman t'oblige à faire un choix et de dire je vais raconter celle-là. Pour moi, le jeu vidéo, c'est pareil. C'est-à-dire que le jeu vidéo, l'interactivité, elle est là, mais finalement, tu racontes une histoire. Oui, mais c'est une histoire choisie, effectivement, par les créateurs. C'est pas la tienne, parce que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Enfin, je veux dire, quoi qu'il arrive, en dehors, effectivement, de quelques dead-end ou quelques fins alternatives, on voit bien dans tous les jeux vidéo, au final, on t'est amené quand même sur des rails à finir telle ou telle fin. Oui. Mais même dans un jeu vidéo où tu as des fins alternatives, quelque part, c'est des fins qui ont déjà été pensées. Mais bien sûr, exactement. D'un point de vue strictement théorique, ça a été totalement pensé. Alors que potentiellement, encore une fois, d'un point de vue théorique, dans le jeu de rôle, toutes les fins sont possibles. Enfin, quand nous on parle de scénario dans un jeu de rôle, le mot est vraiment trop fort parce que tu ne peux pas créer de scénario dans un jeu de rôle. Parce que ce serait obligé de prévoir toutes les actions de tous tes joueurs, c'est impossible. Bien sûr. Tu vois un décor, un bac à sable en fait. Alors, Frédéric disait un truc intéressant sur les bacs à sable. Quand j'ai discuté de ce podcast avec lui hier, c'est qu'il disait finalement un bac à sable dans le jeu vidéo, ça fonctionne comme un GTA, parce que pendant les temps où t'es entre les deux missions, c'est-à-dire entre les temps où tu vas voir les deux PNJ qui vont te donner deux missions différentes, tu te fais pas chier. Parce que tu dois aller d'un point A à un point B. Alors que dans le jeu de rôle, le bac à sable, où t'as des personnages qui ont des informations précises à te révéler, ça ne fonctionne pas. Parce que tu te fais chier, en fait, dans les temps où t'as pas ces personnages qui parlent. C'est pareil, si on prend l'exemple de GTA, attention, GTA, tu n'as pas d'interaction réelle avec l'univers. C'est-à-dire que dans GTA, tu prends ta mitraillette, t'exposes tout le monde, au bout d'un moment, t'as l'armée qui déboule, mais il suffit juste de te planquer, et puis tout le monde t'oublie, quoi. Donc le système bac à sable, tu vois, dans ta comparaison par rapport à GTA, n'est pas forcément bonne. C'est-à-dire, mais c'est-à-dire que les gens qui essayent de faire du GTA dans le jeu de rôle se plantent. Parce que, et donc tu vois, même le bac à sable, il faut qu'il soit pensé d'une certaine manière. C'est ça qu'il faut voir, quoi. Donc c'est intéressant, je trouve, comme remarque, le fait que quand on fait rien, dans un jeu de rôle, ça marche pas. Alors que dans le jeu vidéo, on peut rien faire et pour autant prendre du plaisir. C'est pas qu'on ne fait rien, c'est qu'on laisse les joueurs faire ce qu'ils veulent. On laisse les joueurs un peu dans le flou, voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça le truc. C'est marrant, moi je trouve que c'est les plus beaux moments du jeu de rôle, quoi. Mathieu. Précisément, c'est-à-dire que le moment où t'es suffisamment épaissi les personnages et qu'on se connaît suffisamment bien autour d'une table et que les joueurs n'ont quasiment plus besoin de toi. Enfin, moi je trouve que le plus beau scénario, c'est celui où on n'a plus besoin de moi, quoi. C'est là où je me dis, voilà. En tant que maître de jeu. En tant que maître de jeu, c'est-à-dire que je ne suis plus là que pour donner de toutes petites impulsions pour que le récit rebondisse ou qui, tu vois. Mais je pourrais presque être là, si tu veux, à titre de un peu la statue du commandeur, quoi. Je suis juste là et c'est presque le MJ, le spectateur, quoi. Exactement. Et je pense que c'est le moment où le MJ devient spectateur qu'il est le plus important, quoi. C'est clair que moi, en tant que joueur et pareil qu'en tant que MJ, les moments les plus intéressants, c'est au moment où effectivement je ne sers juste que d'interface avec l'univers. Dire que les joueurs sont en train de jouer, puis à un moment ils disent j'aimerais faire telle chose, j'ai besoin du MJ pour dire voilà, je veux faire telle action, qu'est-ce qui se passe dans l'univers. Là, c'est clair, c'est les plus belles parties. Hein. Moi, je sais que les plus belles parties que j'ai eues avec vous, c'est quand il y avait Thomas et Bobo à une table à écrire, mais qu'en gros, je vous ai maté jouer pendant une heure. Vous faisiez de la merde, c'était super. Et je me suis bien marrée et j'avais rien à faire. C'était très, très bien. Il y a une partie de ce podcast qu'on a déjà abordé finalement, Mathieu, tout à l'heure. C'était sur est-ce que finalement le jeu vidéo nuit au jeu de rôle du point de vue de l'univers. Et puis là, tu me disais, on s'en inspire aussi, donc on l'a déjà traité. C'est-à-dire que, non, mais oui, encore une fois, la profession aujourd'hui existe, on l'appelle le world design. Ouais. C'est encore différent du game design, mais là, ça veut dire penser un monde. Et précisément, les éditeurs aujourd'hui de jeux vidéo commencent à comprendre qu'ils ont intérêt à engager des world designers très tôt dans la pré-prod pour arroser et inspirer l'ensemble du travail des codeurs, des graphistes, etc. Parce qu'ils s'aperçoivent qu'avec des règles cohérentes, aujourd'hui, comme on peut plus se différencier sur des moteurs graphiques et dire, putain, vous allez voir, mon jeu, il affiche watt milliards de textures. Aujourd'hui, aujourd'hui, on comprend qu'effectivement, donner du sens, ça devient impératif pour se distinguer, créer du contenu, créer du world design, etc. Donc aujourd'hui, ça prend de l'importance, mais encore une fois, c'est valable si c'est fait en très tôt en pré-prod, voire même avant la pré-prod. C'est si c'est fait à la fin de la prod et qu'on dit par exemple à un world designer de passer une couche de peinture de Ripolin pour faire croire qu'il y a un univers, ça marche jamais. Ça marche strictement jamais. En fait, Flavie. Moi, je veux rebondir sur le world design parce qu'en fait, c'est un truc qui est au contraire dans le jeu de rôle, c'est toujours l'univers qui est mis en avant parce que c'est toujours l'univers qui est très travaillé. Et je trouve maintenant, ça n'engage que moi. Que c'est souvent le système de jeu qui est laissé à la ramasse auquel on pense au dernier moment. On va beaucoup travailler l'univers, on va beaucoup se dire qu'est-ce qu'il va falloir jouer, etc. Et au final, on se retrouve dans les jeux de rôle classiques du commerce, presque toujours avec les mêmes systèmes de jeu à compétences, blablabla. Parce que l'univers va servir de vitrine, en fait. Mais enfin, moi je trouve que c'est enfin alors, il faudrait un podcast ne serait-ce que pour en parler de ça parce que c'est essentiel, mais je trouve que les règles après enfin moi je suis de l'école, les règles sont là pour être oubliées si tu veux, donc encore une fois je aussi, mais c'est pas pour ça qu'elles sont pas importantes. Non, elles sont pas importantes, mais pour moi il suffit de quelques, encore une fois, de quelques impulsions très courte. Pour moi, si tu veux jouer un jeu avec juste de la santé mentale, ça me suffirait. Bah, tu vois, j'ai pas besoin de beaucoup plus. Mais justement, c'est pour ça que les règles sont là pour être oubliées. Mais parce qu'elles doivent soutenir l'intention du joueur, l'intention créatrice en fait du jeu de rôle. Ça, je pense. C'est vraiment un autre débat. Ouais. C'est un autre débat parce qu'on sait bien que la liberté, c'est les règles. Mais encore une fois, je trouve que précisément, moi je. Enfin, après, c'est de quelle manière tu veux vivre ton jeu de rôle, en fait. Tu vois, et encore, on va pas le dire parce que ça dépend de chaque table. Mais moi, je préfère un jeu, moi, en tir de dés, moi, mieux je me porte. Mais autant, j'aime la tension dramatique que peut introduire à un moment un fight. Et précisément, s'en remettre presque au hasard, on va dire, du jet de dés, qui là porte une attention dramatique. Et c'est intéressant. Mathieu, on ferme la parenthèse. Oui, on va arrêter là. Thomas, tu voulais intervenir. Je voulais revenir sur la question, est-ce que l'inspiration d'un univers dans un jeu vidéo peut s'approprier un jeu de rôle ? Bon, là, je vais prendre l'exemple de Sens, par exemple, avec L'Ombre Monde, où tu t'es inspiré, si je me souviens bien, de Legacy of Kain. Ouais. Voilà, avec le système donc du monde des morts, et ça fonctionne. Ça fonctionne, ça crée un univers qui est quand même bien sympathique. Oui, alors, du point de vue de l'univers, mais du point de vue des règles aussi. C'est-à-dire que le fait de pouvoir passer dans l'ombre monde, dans Sens, ça fait aussi partie du système de jeu. C'est aussi comme ça qu'on va résoudre des énigmes. J'ai pas lu le thread. En quoi il a dit que ça nuisait? Enfin, quel reproche il a fait à Sens, le gars? Parce qu'on en parle depuis tout à l'heure, mais moi j'ai pas lu. Mais en fait, non, c'était un reproche un peu de dire que, en gros, c'était le reproche Megaman, quoi. Sens, c'est du Metroid, c'est juste du Metroid avec de l'enquête à la Metroid aussi simpliste, etc., etc. C'est trop simpliste. Je pense que le reproche qu'il a dû surtout avoir, je pense pas que ce soit la simplicité. Peut-être c'est la connotation, c'est-à-dire que vu que tu t'es inspiré de pas mal de jeux vidéo, donc ça pour Sens, peut-être que la personne dès qu'il arrivait, il va lire Sens, il dit je suis devant sur Metroid. Je me souviens du trade, il a pas eu le temps de développer son argument, donc on n'en sait rien. Voilà. Il a pas eu le temps de le développer. L'inspiration qu'il a plus, l'exemple qu'il a cité et que moi aussi m'a beaucoup rebuté, c'est la dernière version d'ADD, qui elle a été inspirée par le jeu vidéo et je dirais surtout par World of Warcraft. Et là, on retrouve qu'au niveau du système, ça ne marche pas du tout. Parce que je sais pas si toi, Mathieu, t'as vu le dernier ADD. Voilà. Alors dans le nouvel ADD, dans les systèmes de classe, maintenant tu vas retrouver le tank, le DPS, le healer, dès que tu vas prendre le tank, tu vas devoir te spécialiser dans une voie, et la voie, ça va être le tank défense, tank attaque, et donc là on se retrouve vraiment devant du WoW. J'ai mon rôle qui est bien défini, avec, ils ont ajouté un système d'aggro dans ADD, là on se dit mais on joue plus à du jeu de rôle, on joue à WoW, et au lieu de faire un clic, on jette des dés, quoi. Ils voulaient récupérer les joueurs de jeux vidéo, quoi. Oui, mais je comprends. Et c'est ça, moi, quand je parlais au sens économique tout à l'heure, c'est est-ce que le jeu vidéo va pas finalement justement essayer de ramener des joueurs vers oui, le jeu de rôle bah, moi tu vois typiquement, bah, c'est bien que tu cites ça parce que moi typiquement sur les Féal c'est quelque chose que j'ai demandé. À un moment je leur ai dit on passe l'ensemble des personnages à la, dans l'entonnoir de World of Warcraft. Dites-moi si on a un tank, est-ce qu'on a un healer, est-ce qu'on a un DPS, etc. Ouais. Et de toute façon, cette notion de heal, DPS, tank, on est sur on est quasiment au balbutiement, si tu veux, de la notion d'équipe, la notion de complémentarité, etc. Donc ça, c'est assez peu dépassable d'un point de vue strictement théorique, pour peu que tu te fasses, t'es un tableau Velleda, t'es ouais. une équipe, etc. En revanche, ça n'a, enfin, encore une fois, moi je l'ai fait pour voir si on n'était pas trop inspiré par ça ou trop marqué par ça. Parce qu'en même temps, ça t'empêche d'être créatif aussi, d'avoir un personnage qui a directement un lot de compétences. Tu vois, mais c'est terrible. Moi, j'ai un truc que je reproche énormément aux jeux de rôle classiques d'une manière générale, Mathieu, et c'est les compétences. Les compétences, les aptitudes. Parce que ça veut dire que le personnage se définit en fonction de son savoir-faire et de son utilité. De son efficacité. Or, et de son efficacité. Or, ce qui compte dans la vie, c'est pas d'être efficace, c'est pas d'être utile. C'est d'apporter un message, c'est d'apporter une vision. Tu vois, l'artiste, par exemple, dans cette société moderne, il n'est pas spécialement utile à IBM, par exemple. Mais pourtant, il lui apporte quelque chose. Tu vois ce que je veux dire ? Alors, oui, mais... c'est pas parce que... Et ça, moi, c'est ça qui m'énerve dans le système de compétences, c'est qu'on a l'impression qu'on est défini, que les gens sont définis par ce qu'ils savent faire. Mais c'est comme si c'était, ils sont rien. Tu en parles comme si c'était exhaustif, alors que ça l'est pas du tout pour moi. C'est-à-dire que précisément, tu, à partir de cette base que je trouve éminemment limpide, ouais. qui sont, c'est finalement, c'est à partir de ça, moi, que je peux construire une psychologie, si tu veux, puisque elle surgit ex nihilo. Il me faut bien, entre guillemets, une sorte de fossile appréhendable, et ça va être pour moi. C'est celui-là, je le trouve moi très pratique au contraire pour pouvoir dire. Mathieu, je crois que je commence à comprendre pourquoi est-ce que j'ai plein de. En fait, au fur et à mesure, plus tu parles et plus je me dis non, ça marche pas, ça fonctionne pas ce qu'il dit. Je commence à mettre le doigt sur notre désaccord. Très bien. C'est que pour toi, le jeu de rôle a plein de règles qui ne sont pas dites en fait. C'est dans la liberté que les règles laissent aux joueurs que le jeu de rôle existe. Alors que moi, je fais partie de l'école qui pense que c'est grâce aux règles que va pouvoir s'exprimer la liberté du joueur. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que toi, j'ai l'impression que ce que tu dis, c'est le jeu de rôle, c'est ce qui reste lorsqu'on a arrêté de penser aux règles, lorsque on a... Et souviens-toi, dans le dernier podcast, tu avais fait une réflexion, c'était très intéressant, je crois que c'était au niveau de l'argent. Tu disais, et ça m'a hanté depuis, tu disais, l'auteur, il a besoin d'argent... autant que pour qu'il n'ait plus à y penser en gros. Et ben les règles, c'est pareil dans le jeu de rôle pour toi. C'est-à-dire que les règles, on en a besoin autant qu'au moment où on l'oublie, quoi. Oui, parce que c'est là qu'on découvre le vrai jeu de rôle. C'est-à-dire que toi, t'es capable de faire un super perso ultra psychologique et tout dans un jeu de rôle qui est pas fait pour ça, dont les règles n'en parlent pas du tout. Oui, tout à fait. Et ben oui, mais ça, moi, pour moi, ça marche pas. Et on pourra en discuter en off, parce que bon, les auditeurs sont habitués à mon discours blablabla, alors Marie qu'on connaît par cœur, mais voilà, moi, c'est ça, pour moi, ça fonctionne pas. C'est-à-dire que pour moi, si tu veux développer un personnage sensible, il faut que dans les règles, t'aies une compétence de sensibilité, pour faire simple. Hein. Et si t'as que des compétences de combat et des règles de combat, ben, je suis désolé, mais tu pourras pas. En tout cas, le jeu ne t'encourage pas à faire un personnage sensible. Tu vois ce que je veux dire, Mathieu ? Oui, très bien, mais je suis affreusement pas d'accord, c'est ça que j'ai dit. Non, mais bien sûr. Ouais. Alors voilà, c'est pour ça, et là-dessus, on est en opposition. Moi, je vais être en accord avec Romaric, parce qu'il m'est déjà arrivé de jouer à des jeux où je me suis retrouvée qu'avec des compétences de combat et je jouais pas une combattante. Bah, je me suis retrouvée un petit peu dans la panade parce que je savais rien faire techniquement du niveau de ce jeu, vu que mon personnage n'était pas un combattant. Alors qu'au final, il avait d'autres capacités, mais qui n'étaient pas du tout notées sur la fiche et j'avais aucun moyen de le noter. J'étais une sorte de barde, en gros, je jouais de la musique et tout, c'était pas du tout là-dedans. Et du coup, en fait, j'avais rien sur ma fiche de perso qui me correspondait, donc j'ai rien pu noter. Donc, tu vois, tu sers à rien. Mais je vois même pas comment c'est possible avec un MJ à peu près décent de servir à rien à ce niveau-là. Ah, MJ décent. Mais il y a voilà, tu vois. Enfin, on revient. Non mais moi je trouve qu'on fait pas assez confiance aux joueurs et je trouve que précisément c'est ne pas faire assez confiance à l'imagination que de vouloir comme ça ne pas leur laisser le créer à partir de compétences. Thomas, ouais, moi je vais rebondir, c'est que sur le fait que si tu pars sur un système avec des compétences, par exemple, on a prévu dans le jeu de rôle de faire du combat. Donc toi, tu vas pouvoir dire, non, moi j'ai créé un personnage qui fait un petit peu de combat, mais surtout je vais pouvoir lui donner une vraie âme. Quand tu arrives dans une table de convention, ouais, où tu ne connais pas les joueurs en face, un système te dit, moi je te fais un système de combat, si tu commences à faire un personnage qui ressent de l'émotion, c'est pas dit que les autres joueurs autour soient d'accord, et eux ils vont plutôt faire un jeu où il y a du combat, et donc ton personnage va être complètement squeezé de la table, et tu vas te faire chier. En regardant ma fiche, je viens de me rappeler, mes amis, que notre thème était bon, l'influence du jeu vidéo de Nutel au jeu de rôle. tu vois, comme quoi, c'était juste pour préciser à Mathieu pourquoi est-ce que souvent, quand je parle, il doit rien comprendre. En fait, on est minoritaire dans le jeu de rôle des gens qui pensent ça. Hein. Les gens, ils pensent plus comme toi, Mathieu. Hein. Ouais, mais je pense que c'est très intéressant, et ça rejoint presque ça rejoint aussi le débat, parce qu'on parle encore une fois de liberté, d'immersion, la manière dont tu inities. Un imaginaire autour d'une table ou à travers le jeu vidéo. Enfin, tu vois, tout ça pour moi, on navigue dans les mêmes eaux, quoi. On se pose toujours la question de savoir à quel moment on devient créatif, à quel moment quelque chose se crée autour d'une table. Quelle est la valeur de l'émotion à travers le jeu vidéo? Quelle est la valeur de l'histoire? Enfin, tu vois, tout ça, c'est les mêmes. Si on prend ce que tu dis, c'est quand t'es devant le jeu vidéo, il y a aucun moment où tu vas pouvoir échapper aux règles. Pouvoir faire ce que tu vas vouloir dans le jeu vidéo, oui, au final. Et c'est pour ça que dans le jeu de rôle, il y a un moment où tu vas pouvoir échapper aux règles et finalement développer ta créativité dans l'histoire. Tandis que dans le jeu de rôle, tu ne pourras pas. Ouais, dans le jeu vidéo, tu ne pourras pas. Mais ça joue tout à fait au niveau des règles, comme tu le dis, et au niveau narratif. Parce que c'est précisément aussi au niveau narratif. Tu devais être chiant comme joueur, Mathieu. Toi, tu devais être le joueur. Le MJ, il a prévu qu'on aille au château et Mathieu, il va rester à l'auberge à séduire la bonne femme à la taverne. J'en suis sûr. Non, mais c'est. Alors, déjà, j'étais pas joueur, mais. non, mais je trouve que précisément, tu le vois autour de. Là, en jouant. Encore récemment en convention, je trouvais que. Moi, ce qui m'apportait. Fondamentalement, c'était de savoir où était le merveilleux. Quand je jouais, je me disais, c'est quoi le moment où je me singularise? C'est quoi le moment où j'existe dans cet univers? Et on revient à cette histoire d'empreinte, quoi. Ce qui m'a éloigné du jeu vidéo, c'est l'idée de ne pas pouvoir y laisser une empreinte. Romaric, toi, dans la vraie vie, on va dire, tu, pour peu qu'il y ait une différence, hein, tu parles de ta hantise, de ce que tous les autres font au même moment. Ouais. Bah précisément, si tu veux, dans World of Warcraft, c'est exactement ça. Oui, dans le jeu vidéo, c'est pareil. Tout le monde va faire la même chose. Alors tu vas me dire non. Dans Megaman, je peux agir différemment. Tout le monde va pas vivre l'expérience de la même manière. Voilà. En fait. Après, c'est ta sensibilité que tu projettes dessus. Cependant, je trouve que fondamentalement, il faut. Il y a une grande différence entre la télé et le jeu vidéo quand même. C'est-à-dire que la télé, tu regardes le même match de foot au même moment. Pour les auditeurs, il faut savoir que j'ai une hantise. C'est toutes ces choses qui arrivent en même temps pour des mêmes personnes. C'est un truc qui me fout les boules. J'ai peur que les gens fassent les mêmes choses au même moment. Voilà, c'est une phobie personnelle. Enfin, c'est pas non plus à l'état de phobie, mais voilà. Mais dans le jeu, je trouve que dans le jeu vidéo, c'est pas la même chose. La preuve, c'est que les gens s'échangent ensuite dans le bus le matin en allant au collège, dire « Oh, t'as fait quoi, toi, contre le boss-là ?»« Ah, bah j'ai utilisé soin max parce que c'est un zombie, et comme ça, avec soin max, ça lui fait des dégâts. »« Ah ouais, non, sans déconner, tout a fait ça. Mais moi, j'ai pas du tout fait ça, j'ai monté la limite de machin et truc. » Et c'est ça, malgré tout, il y a quand même une activité, tu vois ce que je veux dire? La question, c'est est-ce que l'homme, à ce moment-là, s'élève un peu ou pas? Mais en fait, ce type de débat. Ouais, est-ce que t'as été vraiment créatif? Non, t'as juste fait quelque chose que le système permettait. J'ai étudié des schémas logiques. Je me suis dit, tiens, je vais utiliser zombie sur ce perso pour le tuer avec le soin. Tu vois, c'est. Mais ça, c'est la façon dont tu joues au jeu vidéo. Moi, je joue pas du tout au jeu vidéo comme ça. D'accord, mais. Moi, je vais taper sur X le plus rapidement possible. Mais tu fais pas non plus dans l'efficacité, Flavie, c'est faux. Affable, te voir pendant des heures forger une épée et tout ça parce que ça te fait triper. Offrir un cadeau à tel monsieur parce qu'il est beau et pas à tel autre parce qu'il est moche, parce qu'il a une voix qui te plaît pas, etc. Je suis désolé. On met tous un peu de nous-mêmes dans les trucs. Alors, je dis que quand j'étais petit, quand j'étais jeune, ça a développé ma créativité, etc., ma logique, mon amour aussi pour les maths, pour raconter les histoires, etc., et pour le cinéma. Le jeu vidéo, sans ça, je ne serais pas parmi vous aujourd'hui, c'est clair et net. C'est ça qui m'a fait. Maintenant, En termes de jeu de rôle, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que après, moi, j'ai tendance à penser jeu vidéo, c'est bien. Passe à la vitesse supérieure, fais du jeu de rôle. Ça, Thomas me le reproche énormément. Il y a de nombreux podcasts où ça ressort. C'est-à-dire que ce présupposé là, ouais, le jeu de rôle, c'est le truc ultime, quoi, entre guillemets. Les vrais, ils font des jeux de rôle, et puis bon, les autres, pour le début, il y a le jeu vidéo, il y a le jeu société, etc. C'est affreux comme préjugé et tout. Là, on est typiquement dans le jugement que tu voulais éviter, Mathieu. Mais malgré tout, voilà, j'ai beau lutter contre ces préjugés, je l'ai. Donc voilà, j'ai l'impression que le jeu de rôle, c'est mieux. Je pourrais pas dire pourquoi, mais j'ai l'impression que c'est mieux. Donc je suis d'accord avec toi, Mathieu, mais en même temps, je suis pas pour non plus dire le jeu vidéo, ça t'en parles un petit peu comme c'est le mal, quoi. C'est vrai, je suis très mal à l'aise vis-à-vis de ça, c'est-à-dire que j'ai tendance un peu à le diaboliser, mais je pense avoir, entre guillemets, suffisamment d'expérience maintenant, après un certain nombre de studios et de projets menés à terme, pour en juger. Je trouve que pour l'instant, ce qu'offre le jeu vidéo, pour moi, n'est pas très mais c'est pas très inspirant pour l'homme. Qu'est-ce que tu voudrais dans le jeu vidéo si c'est qu'est-ce que tu imagines dans un rêve fou, quoi, enfin... Déjà, alors précisément, tu vois, tu me dis un rêve fou, moi demain MMO m'offre des rôles, mais un vrai rôle, c'est-à-dire qu'on me dit dans cette ville tu vas être le boulanger, ne serait-ce que ça, ou alors tu vas être l'aubergiste. Et ben demain tu me dis dans un MMO tu es aubergiste, quand tu te connectes et qu'on vient, tu ouvres ton auberge, quand tu n'es pas connecté, elle est fermée. Donc ça veut dire que déjà, tu ne peux pas, par exemple, des quêtes ne sont pas disponibles quand tu n'es pas connecté, parce que toi, non, tu as fermé ton auberge. Mmh. Rien que ça, moi, ça me suffirait. Mais et tu le portes à tous les niveaux. C'est-à-dire que demain, tout est organisé comme ça, mais c'est l'empreinte, c'est le boulanger de la ville Schmürz, c'est moi. Et il n'y a que moi. Thomas. Ouais, je voulais revenir. Je trouve que dans le jeu vidéo, plein de quand même, à dire, hein. En ce moment, il y a une fraîcheur je trouve que depuis qu'on a le PlayStation Store, 2008, le salon des jeux d'indépendants de 2008, voilà, World of Goo, Braid, voilà. Et tout ça, ça a donné. Je trouve qu'on a une fraîcheur, c'est-à-dire qu'on a vécu une époque du jeu vidéo où moi, j'ai regardé les dernières vidéos de Le Cube ou du Tokyo Game Show, où tu regardes, tu fais, oh, c'est marrant, le jeu vidéo, c'est plus magique. Parce que on a mis tellement d'argent, on dit bah voilà, on met des millions de dollars dans un jeu vidéo, bah faut que ça rapporte plus. Oui, Mathieu l'a dit en début de podcast que le jeu vidéo à un certain moment redevenait poétique. Voilà. Mais je trouve que voilà, c'est que maintenant on a plus de liberté dans le jeu vidéo avec ce côté donc du PlayStation Store, que des petites boîtes se disent bah voilà, on est quatre, on a envie de faire un jeu, donc le World of Goo ou notre super jeu que là qu'on attend avec impatience. Samorost, non. Alors, je pensais pas à Samorost, mais il y avait celui-là aussi. Lost Wind. Où là, on a vraiment une poésie dans le jeu, des musiques poétiques, des décors, et on retrouve ça maintenant dans le jeu vidéo, un côté donc beaucoup plus imaginaire. Alors justement, je voulais, Mathieu, tu voulais ajouter quelque chose. Non, mais c'est vrai. Je pense ne serait-ce même qu'à Minecraft que je trouve révélateur sur le sujet. Même ne serait-ce que l'explosion. Le problème en fait qu'on vit en ce moment dans le marché du jeu vidéo, c'est l'industrialisation. C'est l'industrialisation, surtout le jeu social. On voit tous les éditeurs qui essaient de virer de bord pour essayer de reconvertir toutes leurs équipes qui bossaient sur des DS ou des jeux comme ça, faire du Farmville-like, et c'est super dangereux parce que c'est vrai pour les jeux indés. Parce qu'on peut trouver maintenant, on peut développer sur. Approche-toi ton micro, tu t'en vas là. Ouais, on peut développer sur un smartphone, on peut développer sur un iPad, et c'est des projets que tu peux lancer avec 50 000 euros, quoi. Ouais. Donc ça devient intéressant de ce point de vue-là, parce que c'est l'idée qui va primer. C'est pas le décorum. Mais voilà, moi c'est ça. Pour moi, c'est cette histoire d'industrialisation. Alors justement, j'avais une question à ce propos par rapport à l'influence du jeu vidéo Nutel au jeu de rôle. Est-ce que vous pensez, est-il souhaitable que le jeu de rôle connaisse un essor industriel similaire à celui du jeu vidéo? De toute façon, ça n'arrivera pas. Alors, de toute façon, ça n'arrivera pas, d'accord. Mais il y a quand même des gens comme la Fédération Française de Jeux de Rôle qui pensent que, mais même moi aussi quelque part, je le pense aussi un petit peu, qu'il faut que le jeu de rôle gagne en termes de part de marché, en termes d'économie, qu'il faut que son industrie se développe, que les gens soient au courant que le jeu de rôle, ça existe, et que ce soit vécu sainement par les gens qui en font. Tu vois ce que je veux dire? Je crois qu'il y a plusieurs pôles dans ce que tu viens de dire, et que je suis d'accord avec certains et pas avec d'autres. D'accord, ok. C'est-à-dire, il faut que les gens sachent que ça existe et tout. il faut oui et non. Enfin, les gens savent que ça existe et s'ils s'y intéressent pas, c'est que des fois ils en ont juste pas envie. Je veux dire, à part vous et certains potes de la Baro, je suis désolée, l'intégralité de mes amis savent que je fais des jeux de rôle depuis des années et à chaque fois je leur en parle, ils me disent oh non, tu fais chier avec ton truc. Enfin, clairement. D'accord. Et est-ce qu'il faut qu'ils sachent que ça existe? Non, c'est comme on dit. Ça dépend lesquels, ça dépend les œuvres, ça dépend lesquels, pas le jeu de rôle en général. Tout à fait. Alors pourquoi, comment est-ce que tu expliques que le jeu vidéo, par exemple, a réussi son essor, que la Wii, tout le monde en a, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que tu peux jouer tout seul. Parce que tu peux jouer tout seul, c'est tout bête. Bah oui, c'est Mais pour faire un jeu de rôle, faut toujours, déjà, faut que t'aies plusieurs heures, faut que t'aies un endroit pour jouer. Faut que t'aies un endroit où tu peux être un peu immersif. D'accord. Et faut que t'aies toute une bande de potes. Alors ça, c'est les contraintes physiques qui font que le jeu de rôle s'imposera moins facilement, n'aura pas d'industrie par rapport au jeu vidéo. Je pourrais t'en rajouter une autre, c'est que le jeu de rôle, t'achètes un livre, un crayon, un papier, et c'est fini. T'as plus quasiment plus jamais besoin de retourner même, à l'industrie. Le jeu de rôle nécessite quelqu'un qui va être MJ, qui va devoir y passer du temps. Ouais. Un jeu vidéo, entre guillemets, c'est facile. T'allumes ta console, tu peux être tout seul. Tu peux avoir des jeux à plusieurs, mais généralement être tout seul et puis tu vas prendre en main direct. Voilà, donc tous ces thèmes-là sont très intéressants, mais c'est pas ceux-là auxquels je pensais quand j'ai écrit la question. C'est du point de vue créatif. C'est-à-dire que par exemple, ce que disait tout à l'heure Mathieu et Thomas, le fait que les petits jeux indés, pourquoi est-ce qu'ils sont si originaux et pourquoi ils exploitent le média jeu vidéo à fond? C'est parce qu'ils sont indés. Parce qu'ils sont plus dans l'industrie et dans l'obligation de faire du chiffre. Parce qu'ils sont plus à l'origine, je pense. C'est eux qui exploitent de la meilleure manière. Certes, pour autant, t'as toujours besoin précisément d'un tissu industriel, voilà. Et je pense que le jeu de rôle aurait tout à gagner. C'est ça la tension. Intrinsèquement, c'est impossible. Mais pour autant, moi, j'adorerais que le jeu de rôle ait plus de moyens. Bah à fond, moi aussi. Il aurait tout à gagner. Tu vois, plus de moyens, plus d'auteurs, plus de gens qui peuvent travailler professionnellement là-dessus. Et avoir du temps. Être un professionnel, ça veut dire aussi être payé pour le temps que tu y consacres. Je suis d'accord. Et auquel cas, tu. Enfin, voilà. Et quelque part, ça implique des contraintes aussi de vendre après derrière. Et du coup, quand tu veux vendre, tu dois mettre des gros nichons sur la couverture. Pas toujours. Alors, je suis absolument pas d'accord. Non, j'exagère. Mais je vois ce que tu veux dire, mais je pense que précisément, on peut être intelligent sans pour autant mettre des gros nichons. Enfin, tu vois, et plaire au plus grand nombre. On parle de règles de compétences. Pour moi, ça fait partie de l'enjeu, précisément. Pour moi, les gros nichons, c'est les compétences. non, mais vraiment, si tu veux, je pense que les compétences, c'est quelque chose qui t'invite par la main, qui te prend par la main, qui te dit n'aie pas peur, viens dans cet univers, regarde, il y a quelque chose de familier. La familiarité, c'est essentiel pour entrer dans l'imaginaire. L'imaginaire, c'est tellement violent en soi que pour t'y inviter, il faut absolument des repères. Et ces repères-là, comme les compétences, pour moi, me semblent essentiels. Thomas. Moi, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, l'industrialisation pour le jeu de rôle serait une bonne chose parce que ça permettrait à ce que tout le monde connaisse la chose et surtout se mette à jouer. Et là, on a exemple, par exemple, pour le jeu vidéo, c'est que là, on a un moment, un tas tellement industriel pour faire de l'argent, qu'on a ces petits indés qui vont proposer autre chose, et ce qui pourrait favoriser le jeu de rôle, c'est que, c'est parti, on va faire des jeux de rôle que pour faire de l'argent, ça se vend des millions d'exemplaires, mais ça va permettre à des gens qui ne connaissaient pas les joueurs de dire, ouais, c'est pas mal le jeu de rôle, on pourrait essayer de jouer différemment, c'est bien, tiens, on est trois potes, on va créer nos petites boîtes indés, pour essayer de sortir des jeux de rôle, différents de ce qu'on trouve dans le commerce. Donc je pense que ça pourrait largement favoriser le jeu de rôle de passer par l'industrialisation parce que ça permet d'avoir plus de joueurs, plus de créateurs et donc des meilleurs jeux. Mais tu vois, à l'inverse, la façon... Oui, c'est moi. Je suis d'accord avec Thomas et du coup... À l'inverse, la façon dont moi j'ai pu mettre certains de mes amis, enfin mettre entre guillemets, faire à certains de mes amis des jeux de rôle, c'était au contraire parce que le jeu de rôle leur fait peur. Parce qu'ils se disent, il va falloir y mettre du temps, il va falloir qu'on soit tous les mardis soirs. C'est les jeux de rôle indés qui m'a permis de leur faire jouer à des jeux. Parce que c'est des jeux de rôle qui se font en une ou deux heures, qui se font juste des one-shots, et qui permettent de vivre une expérience. Et c'est avec ça que j'ai pu mettre certains de mes amis à des soirées jeux de rôle. Alors, bon sens, c'est un jeu de rôle indépendant, ça permet pas de faire des one-shots. Non, mais je parle des jeux de rôle. Des jeux de rôle indés. C'est compliqué, hein. Vraiment, hein, c'est dur d'en parler. Parce que moi, j'aime pas dire non plus des petits jeux de rôle, des snack gaming. Non, c'est pas, ouais, non, mais c'est des jeux de rôle one-shot quand même. Ouais, c'est par les jeux de rôle one shot. Des jeux de rôle one shot, c'est ce qui m'a permis de faire moins peur, quoi. Non, t'inquiète pas, tu vas pas être obligé de devenir un fou qui joue, qui joue un rôle tout le temps, quoi. Enfin, alors, aussi, ce qui se permettrait à l'industrialisation du jeu de rôle, c'est de revaloriser l'image du jeu de rôle qui est pas, pour certaines personnes qui restent le soir dans leur cave. C'est jouer pas entre ça comme... qui leur fait peur, c'est le fait qu'il faille y passer beaucoup moi, de temps. Moi, je pense que oui, pour injecter de l'argent et rémunérer des auteurs à ce qu'ils font, c'est-à-dire tout ce que disait Mathieu au début de la question, non, pour le il faut que ça plaise à tout le monde. Pour moi, rien ne me fait plus peur que quelque chose qui plaît à tout le monde. Quand quelque chose plaît à tout le monde, c'est qu'il y a quelque chose, c'est suspect, quoi. C'est suspect. C'est que ça, voilà. Ce n'est pas suspect du tout, ça va. Non, mais oui, non, ça c'est sûr. Mais voilà, non, mais c'est tout. C'est pas parce que tu industrialises que ça plaira à tout le monde. Voilà. Non, il y a des jeux qui marchent mieux que d'autres parce que ça plaît mais à plus de gens, mais ça plaît jamais à tout le monde. Industrialiser, ça veut dire quand même sortir des grosses quantités, des gros nombres d'exemplaires, des best-sellers. Je pense que quand ils ont fait Mister Mosquito sur PS2, donc un jeu de simulation de moustiques, ils l'ont sorti quand même à pas mal d'exemplaires au Japon. Quand ils l'ont apporté en Europe, ils l'ont fait moins parce qu'ils ont dit que ça se vendra pas. Et moi, c'est un jeu que je trouve génial, quoi. Ouais, non, pourtant non, mais... c'est industrialisé. Ah, réussir à piquer celui qui est dans la baignoire. Alors, l'influence du jeu vidéo nuit-elle au jeu de rôle ? Mathieu, dernière réponse, ultime réponse, on va s'arrêter là. Oui. Oui, pour toi c'est clair ? Oui, oui. À cause de toute cette ce manque de créativité du joueur, oui. La passivité du joueur. Mmh. Thomas, je confirme. Ben moi je dis que non parce que le jeu vidéo m'a inspiré sur pas mal de choses parce que ça m'a fait ressentir des émotions, des idées de scénario et que j'ai réussi à transmettre dans des jeux, oui, et je trouve ça génial. Oui, du point de vue de la fiction, c'est-à-dire on a le droit de s'inspirer du point de vue fictionnel de ce que fait des histoires que nous raconte le jeu vidéo, on a le droit de s'en inspirer pour faire du jeu de rôle. Voilà. C'est ça. Mais que par tu exemple faire un. Mais du point de vue des techniques créatives, bah, par exemple. Des techniques créatives. T'as dit non tout à l'heure. Bah, au niveau des techniques, non, ça ne marche pas parce que c'est pas la même intention. Donc on perd le joueur n'est pas qu'un simple spectateur dans un jeu de rôle, c'est un acteur. D'accord. Ok. Flavie. Moi, je trouve que le risque, c'est que les MJ et les joueurs aient pris tellement d'habitude dans le jeu de rôle qui reportent les mêmes dans le jeu vidéo, qui reportent les choses dans le jeu de rôle, la passivité ou le fait de créer un couloir. Et je pense que ça peut être évité si on s'en détache un peu du jeu de rôle. Maintenant, c'est comme pour chaque média, les deux vont permettre à d'autres de s'inspirer. Faut pas le diaboliser non plus, mais faut faire attention à son influence quand même. Ouais. C'était une réponse normande. Un peu oui, un peu non. Moi, pour moi, c'est clair que ça ne lui nuit pas, pas du tout. C'est un énorme. Donc déjà, du point de vue de la fiction, c'est un énorme think tank. Pour les rôlistes et pour les auteurs, c'est quand même une industrie vers laquelle on peut se tourner pour vivre, tout simplement. C'est-à-dire qu'on peut écrire du jeu de rôle et à côté, ça reste dans le même corps de métier. C'est deux médias qui sont assez actifs, c'est-à-dire où l'on demande aux joueurs de prendre des décisions, de faire des choix. Alors, je sais, Mathieu, je te vois faire la grimace. Mais il n'est pas le seul. Hein. Quand même, c'est-à-dire, ouais, il n'est pas le seul. Vous faites tous la grimace, mais pour moi, c'est une bonne manière de le RPG sur console. C'est une bonne manière de se donner envie d'un jour de faire du jeu de rôle sur papier. Et ça, je trouve ça chouette. Le jeu de rôle sur papier, pour moi, reste à une forme de supériorité du point de vue de l'imaginaire. Mais par contre, du point de vue pratique, c'est le jeu vidéo qui l'emporte parce que c'est plus pratique de jouer à un jeu vidéo que de faire du jeu de rôle, de rassembler des amis, etc. Donc si on veut consommer si on veut vivre une aventure en étant un minimum actif, le jeu vidéo a une supériorité sur le jeu de rôle à ce moment-là. Mais justement, c'est peut-être aussi que les gens ne font pas de jeu de rôle parce qu'ils ont l'habitude de la facilité du jeu vidéo. Et que justement, s'il n'y avait peut-être pas le jeu vidéo, on aurait plein de rôlistes à l'heure actuelle si World of Warcraft n'avait jamais existé. Il y en a qu'on reprochait à Magic. Moi, je connais plein de gens qui ont reproché à Magic d'avoir pris. Attends, moi, je connais plein de gens qui ont laissé tomber le jeu de rôle parce qu'ils se sont mis à WoW ou à d'autres jeux comme ça. Non, moi, j'en connais. Alors, Mathieu dit bien sûr que si. Mais bien sûr que si. Enfin, ça, il y en a des exemples par milliers. C'est-à-dire, tous les gens qui, à compter du moment, sont injectés dans la vie active. C'est-à-dire, tu perds un groupe parce qu'un tel bouge dans telle ville de province, etc. Le meilleur moyen de se retrouver, c'est encore une fois, c'est de jouer à WoW. Tu veux dire que c'est la solution de facilité, quoi. C'est pas encore une fois, c'est pas une solution de facilité, c'est juste. Si, c'est une solution. Si, t'as raison. Si. D'un point de vue pratique, oui. D'un point de vue pratique, je trouve ça très délicat parce que. Moi, je trouve que c'est vraiment un drôle de sujet. Enfin, c'est... Non, mais parce que le jeu vidéo, encore une fois, je suis d'accord pour dire que c'est créatif en soi. l'écriture du jeu vidéo, les talents mis en œuvre dans le jeu vidéo, les graphismes, les codeurs et tout ça. C'est, enfin, je veux dire, c'est une somme de travail et de parfois d'intelligence aussi qui bien font sûr. Que ça reste un média passionnant. Ah ouais, c'est pour clair. Autant, encore une fois, je te dis que c'est la manière dont tu vas vivre ton jeu vidéo. Moi, pour moi, le mettre au même, le vivre au même titre que tu consommes du cinéma, tu consommes une expo, tu vois, ça me semble intéressant. Mais après, quand ça devient exhaustif, et que ça, avoue que ça crée chez beaucoup un comportement addictif et passif qui est vachement dangereux. Moi, dans le jeu de rôle, quand j'étais ado, que j'avais pas accès au même jeu, le même accès au jeu vidéo, honnêtement. Il y avait un vrai travail sur soi et sur l'imaginaire qui était beaucoup plus intéressant. Il y avait une vraie mise en abîme, une mise en danger même. Non, mais c'est sûr, c'est sûr. De surmonter cette timidité, d'être là en chair et en os, de se sentir, ça, de se voir, de se parler. Ouais. Enfin, tout ça est infiniment supérieur à cette interface prévue par d'autres. Pourquoi ? Pour que tu payes ton abonnement tous les mois. Il y a un moment où il faut se réveiller aussi. Quoi. Ah non, mais ça, c'est clair. Je suis entièrement d'accord avec toi. Mais c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut quand même que le jeu vidéo, quelque part, mène au jeu de rôle à terme. Tu vois ce que je veux dire ? C'est là que je glisse et que tu vois Thomas qui fait la grimace. Moi, je pense que c'est là que très je glisse, compliqué. Moi. C'est... Ouais, mais c'est très compliqué. Moi, je pense que si tu as goûté, si goûté au jeu vidéo, tu auras du mal à aller au jeu de rôle parce que le jeu vidéo t'aura appris à rien branler. J'suis et attends qu'on te raconte ton histoire. Romaric en est l'exemple. Mais non, mais il vient du jeu vidéo. Je viens du jeu vidéo et je suis sûr que je suis pas le seul. Non, mais je pense que t'es devenu rôliste entre guillemets pas malgré toi. Mais ce que je veux dire, c'est que tu l'aurais été. Mais sans le jeu vidéo. La vraie question finalement, est-ce que c'est pas on s'en fout du média, ce qui compte c'est ce qu'on vient chercher quand on y va. C'est ça faux. La vraie question. C'est-à-dire que moi quand j'allais dans le jeu vidéo, finalement ce que je venais y chercher c'était imaginer être créatif. Mais t'avais lu des livres dont vous êtes le héros avant, non? Non, carrément pas. Non, c'est le jeu vidéo. Non, j'avais jamais rien fait avant. Mais le truc c'est que c'est ça, c'est qu'est-ce que j'étais venu chercher dans le jeu vidéo? Dans le jeu vidéo déjà à l'époque, j'étais venu chercher l'imaginaire. Pourquoi est-ce que j'ai arrêté de jouer quand la PlayStation 2 est sortie? C'est parce que je trouvais qu'il y avait plus rien à imaginer. Tout était donné. Le personnage c'était plus de 2 pixels. Il était même plus tu vois Mario en pixels sur NES, je l'imaginais pas pareil que quand je l'ai vu après sur Wii bien formé parce que moi je m'étais imaginé le personnage différemment. Je venais y chercher de l'imaginaire, je venais y chercher de la créativité dans le jeu vidéo. Donc quand j'ai vu après le jeu de rôle, je me suis dit, ah mais ça m'en apporte plus, donc c'est un meilleur média pour moi. Finalement la question c'est ça, c'est quelle est l'attente du joueur et quel est le meilleur média? Alors est-ce qu'il y en a un qui nuit à l'autre? Ça dépend de quel joueur vous êtes. Ça à mon avis c'est la réponse qu'il faudrait donner à ce podcast. C'est quel joueur es-tu? Dis-moi quel joueur tu es et je te dirai quel est le média qui nuit à l'autre dans ton cas précis. Si t'es plutôt quelqu'un qui a besoin si t'aimes plutôt quelqu'un qui aime aller au cinéma, regarder des films, etc., mais en même temps t'aimes pas la passivité qu'il y a au cinéma, fais du jeu vidéo. Mais si t'es quelqu'un plutôt créatif. Là, tu parles d'un consommateur. Je veux dire, tu parles pas d'un joueur. Ouais. Bah oui. Oui, si, non, t'as raison. Donc de ce point de vue, enfin. Mais quand. Alors, par rapport au roman, alors Mathieu, est-ce qu'on est plus créatif ou plus imaginatif en lisant un roman qu'un jeu de rôle? Le roman, jeu de rôle, est-ce qu'on pourrait pas... Ça n'a rien à voir, je pense, les deux. Ça n'a rien alors, à voir. Oui, ça n'a rien à voir parce qu'encore une fois, dans le roman, au même titre qu'un jeu vidéo, finalement, tu as choisi à raconter cette histoire-là à travers les yeux de ces personnages-là. Mais pour autant, je pense que le roman laisse... te laisse peut-être à toi, par exemple, les mêmes impressions qu'on peut te laisser le jeu vidéo, dans la mesure où tu investis un espace et tu interprètes énormément de choses. Donc, quand tu avais 2 pixels, tu pouvais effectivement interpréter derrière un certain nombre de choses. Ouais. Quand tu es face à un traitement hyper réaliste, là, il n'y a plus aucune place pour l'imagination. Pour ça, j'aime pas le cinéma, moi. Parce que ça ne me laisse pas de place. Ah oui, tu vois, mais voilà, ouais, parce que pour moi, encore une fois, moi, mes idées me viennent de toutes ces influences, je suis bombardé d'électrons qui sont le cinéma, les essais, en livre, tu vois. Ça, on est d'accord. Mais en tant qu'auteur, tout ça, tu t'en es inspiré. Moi aussi, pareil. C'est-à-dire, je dis merci au cinéma, merci aux jeux vidéo, merci aux auteurs qui... Oui, mais ce qui m'intéresse, en tant c'est que joueur, à toi. Tu vois moi, si tu ne raffines pas tout ça, encore une fois, ça n'a aucun intérêt. Ce qui est important, c'est comment toi, une fois que c'est passé dans ton moteur imaginaire à toi... qu'est-ce que tu crées à partir de ça? Ouais. Non, mais ça... Ouais. Voilà, enfin... C'est vachement compliqué, parce que dans le jeu vidéo, on a une position quand même, les joueurs sont quand même importants. Enfin, je sais pas comment dire. C'est le fait qu'il y ait des joueurs qui font le jeu vidéo et le jeu de rôle. T'enlèves le joueur, ça devient du cinéma ou du livre. Tu sais ce que je veux dire? Mais encore Thomas. Une fois, le jeu vidéo ouais. crée aussi son propre langage, et je pense que ce langage-là, il est encore amené à évoluer très très largement. Ouais. Donc il faudra. C'est encore un média jeune. C'est encore un ouais. média trop jeune. Trop jeune. Pour... Et moi, je le trouve victime de son industrialisation. Honnêtement, je trouve que le manque d'imagination, les auteurs sont bridés par cette exigence du profit, de la rentabilité. C'est pas du tout ça. Le vrai problème dans le jeu vidéo aujourd'hui, c'est que pour faire un jeu rentable, tu es obligé d'investir de telles sommes que tu ne peux prendre aucun risque. C'est ça. Voilà, c'est ça. C'est ça que je voulais dire. Voilà. Thomas. Ouais, j'étais révolté par ta comparaison du jeu de rôle à un roman. Un roman. Le jeu de rôle, ça a quand même. Non, c'est plus loin, t'enlèves les joueurs. Je disais. C'est plus du roman. Tu prends un DD, t'enlèves les joueurs. C'est pas un roman. Hein. Ouais. À lire, c'est pas du tout pareil. Hein. Mais ça, et puis même l'univers, c'est pas du Pardon. Tout le même genre. Excuse-moi, c'est un livre, c'est ça que je voulais dire. Pas roman, livre, excuse-moi. Désolé, ouais, je me suis trompé. C'était livre que je voulais dire, pas Parce roman. Parce que t'es fatigué, t'as trop mangé. J'en chie, ouais, je pense que les auditeurs l'entendent dans ma voix. C'est pas compliqué à deviner. Bon voilà, on n'a pas fait le tour de la question. Il y a tellement de choses à dire. Mais bon, c'est déjà ce qu'on pouvait vous dire sur cette thématique, l'influence du jeu vidéo. Nuit-elle au jeu de rôle? La question était-elle bien posée? C'est la question que je me pose. Elle paraissait sexy. L'influence comme de ça. La question nuit-elle au podcast? C'est le bon mot de la fin. Non, mais je me demande si on s'est. Parce qu'elle paraissait sexy comme ça sur Internet, finalement, elle était assez dure à traiter, cette question, Tom. Bien sûr. Ah, c'est super dur, hein. Ça, je suis tout à fait d'accord. Merci Mathieu d'avoir été parmi nous et puis passer des bonnes fêtes de fin d'année. J'ai un coucou à faire. J'ai appris qu'on avait un fan, enfin quelqu'un qui nous suivait tout le temps, qui s'appelle Joachim. Et bah merci. Voilà. Merci Est-ce Joachim. Tu t'envoies des mails Non, du tout, mais non. Pas encore, pas encore. Tout nu. Non plus, mais pourquoi vous seriez des garçons, vous auriez pas posé ces questions. On voulait faire un petit point d'actu aussi sur la cellule. Tom, juste pour dire aussi à la personne qui nous a envoyé le jeu de rôle Burps à commenter sur One Shot, enfin à One Shoté, je sais même pas comment le dire, à tester. Donc on va tester Burps. On va tester Burps seulement, voilà, pour les One Shot. Hein. Voilà, pour les One Shot, on est obligé de s'organiser très longtemps à l'avance, et donc du coup, on a déjà des One Shot de prévu en fait, pour pas te mentir, je crois que c'est mars, et donc on pourra pas tester Burps avant, mais on a bien pris en compte ta demande, et puis merci de nous envoyer ces petits messages. N'hésitez pas à le faire. Voilà, il y a plein de gens qui nous envoient des mails pour nous encourager. Super, je transmets à chaque fois quand vous envoyez à Flavie et à Thomas. Et merci à tous ceux qui nous suivent, voilà. Voilà, allez, à bientôt, bonne fête de fin d'année. On vous retrouve très bientôt pour un one shot qu'on va faire pendant le premier de l'an, donc on pourra vous souhaiter à ce moment-là encore des bonnes fêtes. Ouais. Donc la blague de fin d'année, à l'année prochaine. Hein. Ouais, allez, à l'année prochaine. Allez, au revoir. Au revoir.